Maintenant, je voudrais revenir à ce que j'appelle le passé avec plongeoir, qu'on a déjà utilisé. Ce passé avec plongeoir pour lequel on emploie avoir, haber. H-A-B-E-R. Haber, qui sert de plongeoir. Après quoi, on plonge dans ado et ido. Ado pour les verbes an ar et ido pour les autres verbes. Les verbes an er et ir. Si vous voulez dire je l'ai acheté, ça sera he comprado. Encore une fois. Ça c'est j'ai acheté. Mais je l'ai acheté, ça sera lo he comprado. Lo he comprado. Répétez s'il vous plaît. Lo he comprado. Lo he comprado. Et je ne l'ai pas acheté. No lo he comprado. No lo he comprado. Et s'écrit E. Non. Ah oui, H-E. C'est ça, H-E, E. On part des terminaisons du futur, re, remos, ra, etc. Et on remplace le R par un H, ce qui donne E, hemos, a, etc. Alors, nous l'avons acheté. Lo hemos comprado. D'accord, lo hemos comprado. Et ils l'ont acheté. Lo han comprado. Lo han comprado. Où est-ce que tu l'as acheté? Donde lo has comprado? D'accord. Donde lo has comprado? Ça, c'est si vous utilisez le passé avec plongeoir. Et maintenant, si vous voulez dire où est-ce que vous, usted, l'avez acheté, à la forme simple du passé, donc sans plongeoir, vous direz donde lo compro? D'accord, là on a notre cha-cha-cha. Donde lo compro? Il l'a vendu. Lo ha vendido. D'accord, lo ha vendido. Là, vous plongez. Lo ha vendido. Et maintenant, sans plongeoir, il l'a vendu. Lo vendió. Bien, lo vendió. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vendu? Au passé, sans plongeoir. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vendu? ¿Por qué no lo vendió? C'est ça. ¿Por qué no lo vendió? Et si vous tutoyez votre interlocuteur, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas vendu? Toujours sans plongeoir. ¿Por qué no lo vendiste? Très bien. ¿Por qué no lo vendiste? Et il ne l'a pas vendu. On revient maintenant au passé avec plongeoir. No lo ha vendido. C'est ça, no lo ha vendido.